وبعد. توقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه عند قوله واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك من فقد ظن بالله ظن السوء. فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا. ثم قال وإن ظن أنه يسمع ويراه ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. Donc on va reprendre, Inch'Allah, sur la lecture du livre « Le monothéisme à l'état pur » « Tajrid, al-Tawhid, al-Mufid ». Et donc dans la dernière assise, après qu'on ait étudié « Haqiqat al-Shirk » « La réalité du polythéisme ». Et donc dans la dernière assise, dans l'assise d'hier, on a parlé concernant, on a traité le sujet relatif à la réalité du shirk. La réalité du shirk. Et l'auteur l'a si bien dit lorsqu'il dit Haqiqat al-shirk, huwa wa tashbi al-khaliq bil-makhluq, wa tashbi al-makhluq bil-khaliq, wa tashabbu bil-khaliq. Donc il dit la réalité, on avait terminé avec cela, du shirk, c'est al-tashbih. Tashbih al-khaliq bil-makhluq, wa tashbih al-makhluq bil-khaliq. Et ça, on n'a plus besoin de le traduire. On l'a bien explicité et expliqué dans les assises précédentes. Ensuite, l'auteur, maintenant, va nous faire un rappel immense. Donc, concentrez-vous bien sur ce que va mentionner l'auteur. L'auteur va nous parler de deux choses essentielles. Deux choses essentielles. Comme on le verra plus clairement lorsqu'il va stipuler ça de manière claire. Il va d'abord parler de ce qu'on appelle dhan as-saw ou saw al-dhan, la mauvaise opinion, le mauvais préjugé, le mauvais soupçon envers le créateur. Et donc il va parler de l'interdiction de cela. Ensuite, il va parler de la question wa ma qadarullah haqqa qadri. Le fait d'estimer Allah azza wa jall, d'estimer le créateur à sa juste valeur. Et dans un verset, Allah Azza wa Jal dit, ils n'ont pas estimé le Créateur, ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Donc on va traiter ces deux sujets. Le fait de le croyant ou la croyante ne peut pas sous-estimer le Créateur. Et aussi avoir une mauvaise pensée envers le Créateur. Donc le croyant, il doit se débarrasser de cela et s'éloigner, s'écarter de cela. D'abord, l'auteur va parler de ce qu'on appelle su'adh-dhann. Premièrement, isa'at-dhann billahi azza wa jalla. Ensuite, il va parler de ce sujet wa ma qadarullaha haqqa qadri. Et ensuite, regardez ce qu'il dira. Il dira ça qu'en fait, ces deux choses-là, eh ben, c'était la cause des dérives et des égarements de beaucoup de nombreuses doctrines qui sont apparues dans les premiers siècles de l'islam. Comme il va bien le stipuler dans ce qui va suivre. Donc ça, c'était un résumé de ce qu'on va apprendre et lire pour bien que vous puissiez et qu'on puisse comprendre donc ce que va dire l'auteur. Premièrement, l'auteur, pourquoi il dit cela? Parce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui entend tout. Et c'est celui qui connaît tout. Rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes dans la difficulté, si vous êtes dans le besoin, dans la détresse, Allah Azza wa Jal connaît votre détresse. Subhanahu wa ta'ala. Il dit, celui qui pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'entend pas, ou que son créateur ne va pas exaucer ses demandes s'il lui demande directement. L'auteur dit, alors il a certes eu une mauvaise pensée envers le créateur. Et cela, il le dit, regardez, juste avant qu'il dise wa in dhanna annahu yasma'u wa yara walakin yahtaj ila man yulayyinuhu wa yu'attifuhu alayhim faqad asa'a dhanna bi afdali rabbihi wa barri wa ihsanihi wa sa'ati judi. Regardez ce qu'il dit. Ensuite il dit: par contre, celui qui pense que Allah Azza wa Jal, notre créateur, entend tout et voit tout et a la connaissance de tout. Il cite cela dans le deuxième cas. Dans le premier cas, avant cela, il dit: فَإِنَّهُ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمْ وَلَا يَسْمَعْ إِلَّا بِإِعْلَامِ غَيْرِهِ لَهُ أَوْ إِسْمَعْهِ فَذَلِكَ نَفْيُ لِعِلْمِ اللَّهِ وَالسَّمْعِهِ وَكَمَالِ إِدْرَاكِهِ وَكَفَى بِذَلِكَ ذَنْبًا. Et donc là, en réalité, il sous-entend ceux qui prennent des intermédiaires et qui n'invoquent pas et qui n'adorent pas directement le Créateur. Ils pensent qu'il leur faut des intercesseurs pour les conduire, les mener ou monter leurs demandes, ramener leurs demandes ou faire connaître leurs demandes auprès du Créateur, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça, c'est une mauvaise opinion envers le Créateur subhanahu wa ta'ala, puisqu'il n'est pas comparable, comme on l'a bien stipulé cela dans la six dernière. Par contre, il dit wa in dhanna annahu yasma wa yara. Par contre, si celui-ci, le serviteur, est conscient et sait qu'Allah a connaissance de tout, entend ses demandes, entend ses implorations, ses requêtes, wa yara, et voit tout, mais que le Créateur a besoin d'une sorte de conseiller pour l'adoucir, lui faire parvenir les demandes et les requêtes des gens, en lui faisant savoir la difficulté des autres. Regardez ce qu'il dit: faqad asa'a dhann bi afdali rabbihi wa ihsanihi wa sa'ati judi. Là, c'est une mauvaise opinion envers le Créateur subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah n'a pas besoin de conseiller différemment au roi ou au souverain terrestre dont leur souveraineté et leur royauté est limitée, comme on l'a explicité dans la dernière assise. Wabil Jumla, il dit globalement: فَأَعْظَمُ الظُّنُوبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى إِسَاءَةَ الظَّنِّ بِهِ. Et il dit globalement: parmi les plus grands péchés, les péchés les plus immondes dans notre religion, le fait d'avoir un mauvais soupçon, un mauvais préjugé envers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Le croyant, lui, ne doit pas avoir et ne doit pas quitter cette vie en ayant une mauvaise pensée envers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que il faut toujours faire les causes, et parmi les causes, implorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on ait toujours une bonne pensée envers lui subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que comme dit l'auteur, la mauvaise pensée, la mauvaise conjecture ou le mauvais préjugé envers le Créateur, min a'zami adh-dhunub, bal qal fa a'zami adh-dhunubi 'inda Allahi ta'ala isa'atu adh-dhanni bi. ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد أعظم وعيد. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion dans le livre, dans le Saint Coran, à ceux qui peuvent avoir des mauvaises préjugés, ou pardon, des mauvais préjugés envers lui et des mauvaises pensées. Il faut demander à Allah qu'il nous préserve de ces mauvaises pensées. Dans le verset 6 de la sourate Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion et dit à ceux qui ont mauvaise pensée envers lui, il les appelle al-dhannina billahi dhann as-saw 'alayhim da'iratu as-saw wa ghadiba Allahu 'alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Regardez, Allah azza wa jalla a cité différents châtiments. Allah Azza wa Jal, dans une traduction relative du verset 6 à Sourate Al-Fath, il dit Avannina billahi dhann as-saw. Ceux qui ont au sujet d'Allah des mauvaises pensées. Allah dit, regardez, alayhim da'iratu as-saw. À eux, il y aura une mauvaise finalité. Une traduction rapprochée du sens. وغضب الله عليهم et Allah sera en colère contre eux. وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ sera en colère contre eux et ils seront maudits et ils préparent pour eux Jahannam, un enfer. وَسَاءَتْ مَصِيرًا pourquoi les savants ont dit que la mauvaise pensée envers le Créateur fait partie des plus grands péchés dans notre religion? Pourquoi? Parce que dans ce verset, différentes formes de sentiments sont citées, sont réunies, sont citées de manière conjointe. Aussi bien, il y a la mention de la malédiction, de la colère d'Allah, de la préparation du châtiment, وَسَاءَتْ مَصِيرًا et Allah Azza wa Jal parle de quel mauvais refuge ou destination. وَقَالَ تَعَلَى عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَإِفْكَنْ أَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ c'est pour ça dans la sourate As-Saffat, Allah dans un autre verset il dit أَإِفْكَنْ أَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ensuite il dit فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ et quelle est votre pensée auprès du Seigneur de l'univers Subhanahu wa ta'ala. Ay, fama dhannukum an yujaziyakum idha abadtum ma'a ghayrah aw dhanantum annahu yahtaju fil itla' ala darurat ibadihi liman yakun baban lil hawa'ij ilay wa nahwi dhalik. Wa hadha bi khilaf al muluk fa innahum mahtajun ila al wasa'it daruratan li hajatihim wa ajzihim wa dha'fihim. وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. Regardez ce qu'il dit. Dans le verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de ceux qui lui ont assigné des semblables et des associés, il dit فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ quelle est votre pensée au sujet du Seigneur de l'univers? C'est-à-dire, quelle est votre pensée? Pensez-vous qu'il va vous rétribuer et vous récompenser si vous adorez autre que lui avec lui? Ou bien, pensez-vous qu'il a besoin de serviteurs qui lui font part de vos demandes ou qui lui font savoir vos besoins? Liman yakun baban lil hawa iji ilay wa nahwa dhalik. Est-ce que c'est ça votre pensée? Jusque-là, vous comprenez? Il dit, وَهَذَا بِخِلَفْ الْمُلُوكِ et comme on l'a dit précédemment, Allah ne peut pas être comparé au roi terrestre. Il ne peut pas être comparé au roi terrestre. Allah n'a pas besoin de conseillers ou d'émissaires qui lui font savoir, qui lui font part des demandes de ses serviteurs. فَإِنَّهُمْ مُحْتَجُونَ إِلَى الْوَصَائِتِ ضَرُورَةً donc pour cela, les rois sur terre, eux, ils ont besoin d'intermédiaires. Ils ont besoin de gens entre eux et le peuple. Et entre eux et leur sujet. Sujet entre guillemets. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas besoin. Donc on n'a pas besoin de prendre des intermédiaires. Lorsqu'on veut demander, on demande en globalement en résumé. Et si l'auteur explique que lorsqu'on veut demander, on demande directement au Créateur Subhanahu wa Ta'ala. Ces enseignements semblent simples. C'est la fitra, c'est la nature innée. Le musulman se dit Ayn Aram. Bien sûr, mes adorations, toutes mes adorations, je les voue qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sachez, pour la majorité de membres de notre communauté, de musulmans, beaucoup, et surtout dans les temps anciens, et surtout à l'époque de l'auteur, puisque l'auteur, s'il l'explique, il parle, comme on a dit dans les assises précédentes, il parle aux gens de son temps, on est au 9e siècle, hein, et l'auteur est d'Égypte, une terre musulmane, et d'islam. Pourtant, il leur rappelle cela. Pourquoi? Parce que justement à l'époque, les musulmans, comme beaucoup aujourd'hui dans les pays musulmans, ils adorent Allah mais en prenant des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'ils se rendent dans la tombe de l'Badawi. La tombe de l'Badawi est adorée, fait partie des idoles adorées. La tombe du grand savant Abd al-Qadir al-Jilani. Al-Jilani c'était un grand imam. Et lui est innocent, lui, al-Jilani, de cela. Mais sa tombe est prise comme idole adorée. Et comme de grands imams aussi. Et comme aussi certains compagnons, comme la tombe de l'Hussein. Et à l'époque de l'auteur du livre de l'unicité, Zayd ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, dans la péninsule arabique, jusqu'à ce qu'il est né, dont il est dénombré dans les pays musulmans qu'il y a plus de 22 000 mausolées adorées. Plus de 22 000 mausolées adorées, c'est-à-dire des tombes ou des lieux de prière, d'adoration, des édifices ont été érigés, édifiés sur la tombe, et ensuite, eh ben, les gens s'adonnent à des formes d'adoration comme à tawaf. Ils tournent autour. La demande de guérison pour leurs enfants. Par exemple, ils ont des enfants qui sont malades, ils rapportent, c'est connu, c'est des pratiques célèbres dans nos pays, ils rapportent ces enfants devant la tombe de Sidi, de l'Ouali, de l'allié, ils appellent ça des alliés parmi les alliés d'Allah, ils disent que ce sont des alliés d'Allah. Donc, comme ce sont des alliés d'Allah, ils ont des rangs privilégiés, ou un rang privilégié auprès du Créateur, et donc, ils sont plus à même de faire parvenir leurs demandes au Créateur, ces alliés vont intercéder en leur faveur. Certains savants disent, donc lorsqu'ils ont leurs enfants, ils rapportent l'enfant, si un enfant est malade, devant la tombe du Wali, en demandant la guérison. Mais lui-même, celui qui est enterré, est mort d'une maladie sûrement. Donc lui-même était malade. Lui-même était malade, lui-même avait besoin, et souvent, beaucoup de gens sont décédés de... sont morts de maladie. Lui-même était malade. Alors comment le malade plus tard, après lui, vient et demande à lui la guérison, puisque lui-même était comme lui, lui-même et beaucoup qui sont enterrés sont morts malades. Et donc ça, c'est quelque chose que l'auteur à l'époque, en son temps, au 9e siècle, il explique. Et donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme les rois sur terre, terrestres. Allah n'a pas besoin d'émissaires, de conseillers qui vont le conseiller. Allah nous demande de lui demander, وَقَرَ رَبُّكُمْ وَدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ. Et votre Seigneur a dit, وَدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ. Invoquez-moi et je répondrai à vos demandes. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et certes, les mosquées appartiennent à Allah. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Vous savez, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, et certes, les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez personne en dehors d'Allah. Si, par exemple, vous voyez un musulman, par exemple, un croyant qui croit en la ilaha illallah, qui témoigne la ilaha illallah, puisque beaucoup dans le pays, ils disent la ilaha illallah, et ils témoignent que Mohammed est le messager d'Allah. Il fait tawaf autour d'une tombe. La tombe d'un wali. Ou bien il se prosterne devant la tombe du wali. Ou bien il fait des offrandes. Ou bien il fait des vœux. Ou bien il invoque. Ou bien il demande. Il a des requêtes. Et par exemple, vous voulez lui dire non, ne fais pas de vœux. Ou ne fais pas d'offrandes. Ou demande directement à Allah Azza wa Jal. Mais là, vous voulez lui dire, par exemple, sur ses œuvres qu'il fait, ne tourne pas autour de cette tombe. Ne fais pas des offrandes, de sacrifices pour le wali de cette tombe. Mais, vous n'avez pas la preuve. Vous ne vous rappelez pas de la preuve concernant le texte, concernant le sacrifice, par exemple, d'une bête. Hein. Dans l'islam, il n'y a pas de, ça n'existe pas le sacrifice humain. On parle de sacrifice d'un agneau, d'une bête, d'un bélier. On le stipule bien. Et vous n'avez pas la preuve sur al-dhabh, ou al-nazr, ou al-sujud, ou al-tawaf, par exemple. Sur les adorations, par exemple, légiférées. Et bien, vous pouvez citer ce verset. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Pourquoi ? Lorsque dans le verset il est dit فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez personne en dehors d'Allah. Les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez personne en dehors d'Allah. Ad-du'a, les savants disent, se divise en deux catégories. Du'a mas'ala, du'a ibada. Du'a mas'ala, du'a ibada. Du'a mas'ala, il y a une invocation de demande. Et il y a une invocation d'adoration. Donc l'invocation, le terme littéral, l'invocation, les savants, le terme dua dit, se divise en deux. Deux catégories. Ce qu'on appelle dua mas'ala ou dua ibada. Dua mas'ala, c'est l'invocation de demande. C'est celle qui est connue. Lorsqu'on implore Allah Azza wa Jal, lorsqu'on demande Allah, ça c'est dua. Dans le sens connu du commun et de la masse. Dua. Mais il y a un deuxième sens au terme. Dua. Dua dans le sens dua al-ibada. Toute adoration est dua. Toute adoration est dua. Pourquoi ? Parce que les grands savants disent que chaque adoration qu'on fait, lorsque par exemple on observe la prière prescrite, ou prière surrogatoire, ou bien on s'acquitte de la zakat, ou bien on s'acquitte de notre pèlerinage. Toutes les adorations. En réalité, on demande quelque chose. On a espoir de, en la récompense du Créateur. Donc, quelque part, à travers les adorations, il y a une demande. On veut quelque chose, on convoite quelque chose. On espère, on demande quelque chose. Qu'est-ce qu'on demande ? La récompense du Créateur. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants disent, à travers chaque doa, il y a une demande. C'est pour ça qu'ils disent que, ils appellent ça doa al-ibada, ce sont toutes les adorations. Ils disent, dans les versets, si vous apprenez les versets concernant فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, n'invoquez personne en dehors d'Allah. فَلَا تَدْعُوا يَشْمَلْ فَلَا تَدْعُوا بِدُعَا الْمَسَّلَا وَلَا تَدْعُوا بِدُعَا الْعِبَادَ. Ça englobe les deux formes d'adoration. Donc lorsque vous dites à une personne, personne fait un soujoud devant une tombe, ou bien il fait une offrande, ou une sadaqa, ou yadbah, ou il fait du nazr, ou autre adoration, et toi, tu n'as pas de dalil. Dalil al-nazr, ou dalil al-dhabh, ou dalil al-sujud, par exemple. Fadhkur hadhihi al-aya. Évoque ce verset. Fala tad'u ma Allahi ahada. N'invoque personne en dehors d'Allah. Lianna hadhihi al-aya, kama dhakara al-ulama, tashmal du'a al-masala wa du'a al-ibada. Donc, c'est compris dans le verset. Ne te prosterne pas pour autre qu'Allah. N'invoque pas autre qu'Allah. Ne fais pas de vœux pour autre qu'Allah. Ne fais pas de serment pour autre qu'Allah. Ne fais pas d'offrande pour autre qu'Allah. Ne quitte pas de zakat pour autre qu'Allah. Ne t'acquitte pas d'une zakat pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wadah al-kalam ? Vous comprenez ? Et donc, de ce fait, l'auteur, regardez, en son temps, il explique aux gens ces notions-là. De ne pas prendre al-wasa'it, d'intermédiaire. Ça, c'est valable pour les rois sur terre. Malgré qu'on avait parlé de leur royauté limitée, lorsqu'on a parlé de certains noms, des noms qui n'appartiennent qu'à Allah, lorsqu'on dit Malik al-Amlak, Malik al-Muluk, Qadi al-Qudrat, ces termes-là, ces appellations-là, ces titres-là, n'appartiennent qu'au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Thumma qala. وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم. Pourquoi eux, les rois sur terre, ils ont besoin d'intermédiaires, de gens entre eux et le peuple, ou entre eux et les sujets? Pourquoi? Bah, pour cause de faiblesse, pour cause de déficience, pour cause d'incapacité. وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. Et du fait que eux, leur science est limitée, leur connaissance est limitée, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe réellement chez leurs sujets, auprès du peuple, ce qui se passe. Ceux qui sont dans la détresse, ils ne le savent pas si on ne leur fait pas parvenir cela. Allah Azza wa Jalla n'est pas comparable à ça. Allah a la connaissance de tout. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Fa'amma من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده. Et c'est pour cela qu'il dit que celui dont sa miséricorde a précédé sa colère, celui qui s'est inscrit pour lui ar-rahma, la miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَا تَصْنَعُ الْوَسَائِتُ عِنْدَ. Qu'est-ce que les intermédiaires peuvent faire auprès de lui? Que ferait-il auprès de lui? فَمَنْ اتَّخَدَ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ ظَنَّ بِهِ أَقْبَحَ الظَّنِّ وَمُسْتَحِيلٌ أَنْ يَشْرَعُ لِعِبَادِ بَلْ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ فِي الْعُقُولِ وَالْفِتَرِ. Regardez, l'auteur dit une très belle parole. Il dit donc, celui qui pense que Allah Azza wa Jalla a besoin d'intermédiaires, d'intercesseurs, il a certes eu une mauvaise pensée envers le Créateur. Donc c'est pour ça que là, tout ça, ce qu'on vient de lire, ce qu'a dit l'auteur, c'est pour expliquer pourquoi il dit que ça, c'est considéré comme une mauvaise pensée. Soit dhan. Mauvaise pensée envers le Créateur. Et vous savez, même dans le livre saint, dans le saint Coran, ceux qui sont aussi décrits comme étant doté de cette mauvaise pensée envers le Créateur, sont le munafiqoun. Ce sont al-munafiqoun. Al-Munafiqin, lorsqu'à l'époque ils voyaient les compagnons, l'époque du prophète, ils voyaient les compagnons dans certaines situations difficiles. Alors, pour les dissuader, les décourager, ils allaient les voir et leur disaient, votre Seigneur, il vous a laissé. Il ne va pas vous secourir dans le sens. Il est découragé. Votre Seigneur ne vous secourra pas. Et alors, ils essaient de décourager les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, lorsqu'il décrit Al-Munafiqin, il dit que ce sont des gens qui ont des mauvaises pensées envers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que ça, c'est un péché qu'il ne faut pas minimiser. Et on a une très belle faïda dans le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. Pourquoi ? Parce que l'auteur, justement, a consacré un chapitre pour ce sujet-là. C'est un sujet qui est immensément important. C'est pour ça que le prophète sallam exhortait de ne pas quitter ce monde, de ne pas mourir avec une mauvaise pensée au sujet du Créateur. Mais il faut demander à Allah Azzawajal parce que personne n'est à l'abri. Il faut implorer Allah Azzawajal. Ça, c'est l'un des plus grands péchés, d'avoir une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne connaissance envers la prédestinée, le qadr, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que parfois, ça peut nous toucher. Comme on l'a dit précédemment, personne n'est à l'abri. Et lorsqu'on n'a pas une bonne connaissance en ce qui concerne le décret, la prédestinée, le destin, en ce qui concerne comment Allah subhanahu wa ta'ala gère et administre cet univers, alors on peut sombrer dans des mauvaises pensées. Il se passe des choses dans cet univers. Parfois, on ne les comprend pas. Parce que notre raison, elle est limitée. On ne comprend pas. Allah, il donne la royauté à des peuples. Il l'enlève à d'autres. Il va la ôter à d'autres. Et parfois, il va l'enlever à un peuple à qui il a donné la royauté et donner la suprématie à un autre peuple. Et des choses se passent dans cet univers. Et l'être humain, parfois, ne comprend pas. Sa conception, son imagination, ou bien sa raison est limitée. On ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas concevoir toutes les sagesses d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce que nous, notre raison est limitée. Et notre conception, notre idrak, elle est limitée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il gère cet univers comme il l'entend, comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. Donc il se passe des choses que peut-être on ne va pas comprendre. Et plus le niveau de connaissance, de savoir du croyant est élevé, plus il comprend des choses. Et moins le niveau de savoir, de connaissance est élevé, moins il comprend des choses. Et d'ailleurs, c'est comme cela que beaucoup de communautés et de nations précédentes et aussi beaucoup de doctrines dans notre communauté ont émergé dans les premiers siècles avec des mauvaises compréhensions et des égarements du fait qu'ils ont une mauvaise pensée envers le Créateur. Ils ont interrogé le Créateur au sujet de ce qu'il fait. Alors qu'Allah, la yus'alu amma yaf'al, Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Mais nous, on sera interrogé au sujet de ce que nous, on a fait. On sera interrogé. Le Créateur n'est pas interrogé. Il gère et administre cet univers comme il le veut. Allah est le souverain de cet univers. Si il décide de donner la suprématie, la royauté, le pouvoir à un peuple, il le donne. Pourquoi ? Allahu a'lam. Mais il y a une hikma qui est baligha. C'est ça la bonne croyance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ton voisin est riche et pas toi ? Allahu a'lam. Pourquoi Allah t'a préféré à un autre ? Ou a préféré un autre à un autre ? Allahu a'lam. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a préféré certains moments par rapport à d'autres ? Pourquoi Allah azza wa jal a choisi la terre sainte et a préféré cette terre par rapport à une autre terre ? A préféré des mois par rapport à d'autres ? Pourquoi Allah azza wa jal a préféré des messagers ou l'ulul azm par rapport à d'autres ? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah gère cet univers comme il l'entend. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi fi akhir zaman, à la fin des temps, les tentations, les épreuves vont se multiplier. Pourquoi il va y avoir l'arrivée de l'antéchrist, le Messie ad-Dajjal. Allah a décrété cela. Pourquoi ? Allahu a'lam. Allah a voulu qu'il en soit ainsi, il en sera ainsi. C'est comme c'est ça le croyant. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on apprend, la science de l'unicité, ça nous permet de cheminer dans cette vie d'ici-bas. Et lorsqu'on a un savoir, on comprend une chose, alhamdoulillah, c'est par la grâce d'Allah, et parfois il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est ça l'islam, on est soumis à notre créateur, on est soumis à son décret, subhanahu wa ta'ala. Et comme cela étaient les pieux prédécesseurs. Pourquoi ? Parce que le croyant sait qu'Allah azza wa jal, tout ce qu'il fait, derrière il y a une sagesse immense et infinie. Et le serviteur, plus son tawhid augmente, plus il se sent contrôlé. Il sent ce qu'on appelle muraqabatullah. Il sent qu'Allah azza wa jal le voit. Voit ses actes. Entend ses paroles. Et puis il va avoir de la pudeur envers son créateur subhanahu wa ta'ala. Donc c'est bidrasat at-tawhid qu'on commence à renforcer notre relation avec notre créateur subhanahu wa ta'ala. Vous savez, un jour, il y a un homme, il avait fait toutes les causes. Ils étaient en voyage, il avait fait toutes les causes pour un soir se rapprocher d'une femme. Alors il a attendu que tout le monde s'était endormi, se soit endormi. À un moment donné, il a réussi à rentrer, à aller auprès de la femme, en pleine nuit. Il lui dit, tout le monde dort, il n'y a personne, personne nous verra, personne nous entendra. Donc, il lui a demandé de répondre à sa demande. Elle lui a dit, eh Allah, tu es sûr qu'Allah ne nous voit pas ? Tu es sûr qu'Allah ne nous voit pas ? Qu'Allah ne sait pas cela ? Tu te caches des gens ? C'est pour ça que les pieux prédécesseurs s'est rapporté que dans des situations où il est très très difficile de tenir l'épreuve, eh ben, eux, ils avaient des positions, des mawaqif, qui étaient exceptionnelles, extraordinaires. Regardez un homme qui s'appelait Mubarak ibn Waddah. Mubarak ibn Waddah, c'était un homme qui était employé. Un homme riche avait des champs de rumman, de grenades. C'est ça. Grenades. Des champs de grenades. Et il avait employé un homme, Mubarak ibn Waddah. Et un jour, il a demandé à cet homme, ramène-moi une grenade. Alors, il lui a rapporté une grenade, mais la grenade, elle n'était pas mûre. Elle n'était pas assez mûre encore. Alors, il dit, ramène-moi une autre. Et à chaque fois qu'il lui ramène une autre, la grenade n'est pas mûre. Il dit, alors, son maître, enfin, son employeur plutôt, lui dit, mais tout ce temps-là que tu travailles dans le champ de grenades, tu ne sais pas reconnaître les grenades mûres de là, moi, de celle qui n'est point mûre. Et là, Mubarak ibn Waddah lui a dit, je sais pas, j'ai jamais goûté. On va continuer après l'adhan. Fadda. Nukmil, Inch'Allah, on termine. Alors, ensuite, son employé lui a dit, mais tu ne sais pas choisir les bonnes grenades ? Tout ce temps-là que tu es employé, tu travailles dans mon champ ? Il lui dit non. Il lui a fait savoir qu'il ne goûtait pas, il n'avait jamais goûté. Alors là, son employeur était étonné. Tout ce temps-là, c'était connu que des employés dans des champs, parfois ils se servent. Mais lui, par crainte d'Allah Azzawajal, pourquoi c'est quoi c'est ça le tawhid. Il sait qu'Allah Azzawajal le voit, l'entend. C'est pas une question de l'employeur. L'employeur, tu sais qu'il ne te voit pas, qu'il n'est pas là. C'est pour ça qu'un bon croyant, un bon musulman, lorsqu'il travaille, même s'il sait que son employeur n'est pas là, ne le voit pas, mais lui, il sait qu'il doit bien travailler parce qu'Allah le voit, subhanahu wa ta'ala. Et donc, son employeur, là, il était stupéfait. Et lui, il est rapporté donc qu'il avait une fille. Une fille qui était une très belle femme, une femme très pieuse. Tout ce qu'un homme convoite chez une femme. La piété et la beauté. Alors, il est rapporté que cette femme, de grandes personnalités, la demandait. Des gens qui avaient un certain rang dans la société. Ils allaient et ils demandaient cette femme. Mais le père, à chaque fois, il refusait. Il refusait de donner sa fille à ces gens-là. Jusqu'à un jour, il est venu et il a dit à cet homme, « J'ai pas rencontré un homme comme toi. » Et donc, il lui a proposé de lui marier sa fille. Sa fille, c'était, une, comme on l'a dit précédemment, une femme très pieuse. Et donc, elle sera plus tard la mère du grand imam Abdallah ibn al-Mubarak, puisque son père était Mubarak ibn al-Waddah. Et donc, elle sera la mère du grand imam Abdallah ibn al-Mubarak. Abdallah ibn al-Mubarak, on ne sait pas, il était imam de quoi ? Puisqu'il était imam dans tous les domaines. De dire qu'il était imam dans tel domaine et spécialisé dans tel domaine, Allahu a'lam, on ne sait pas, puisqu'il était imam. C'était un guide dans tous les domaines. Dans l'ilm, dans la dévotion, dans la religion, dans l'adoration, dans le comportement. Fikul lichey. Jusqu'à ce que certains dans la biographie, ils disent même qu'il a dépassé certains compagnons. Il a dépassé en cela parce qu'il a tout réuni. Lui, il a réuni entre l'ilm, entre l'adoration, entre souluk, entre les voyages pour la science, etc. Il a tout réuni. Alors certains, ils ont dit, il a même dépassé certains compagnons à ce niveau-là. Mais ils ont dit jusque les compagnons du fait qu'ils ont accompagné, été en compagnie du prophète, personne ne peut les égaler. Personne ne peut avoir un meilleur mérite que eux. Mais sinon, de grands imams comme Abdallah ibn al-Mubarak avaient atteint des sommités, al-kumma, vraiment, dans l'adoration, dans l'ilm. Et ça, c'est dû au fait que ce sont des gens qui étaient pieux. Regardez cette femme, lorsque Abdallah, ou plutôt Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, un jour il passa devant une maison. Et puis, la mère avait été malveillante dans la mesure du lait. Et sa fille lui la conseillait en cela. Et la mère dit à sa fille, mais lorsque sa fille lui a dit, le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, a interdit cela. Et sa mère lui a dit, mais comment il le saurait ? Et à ce moment-là, Omar ibn al-Khattab, il passait devant la maison. Et la fille, à ce moment-là, elle dit, mais même si le prince des croyants, Omar, ne le sait pas, sache qu'Allah, Azza wa Jal, ou ma mère, le sait. Et Omar, il est passé devant la maison, il a entendu cette discussion entre la fille et la mère. Et là, il est rentré chez lui, il a réuni ses garçons, ses fils, et dit, qui est-ce qui veut se marier avec une femme pieuse ? La piété. Regardez, cette femme, lorsque sa mère lui a dit, mais le prince des croyants n'aura pas connaissance de cela, a dit, mais Allah Azza wa Jal lui aura connaissance de cela. C'est ça le croyant, toujours il sait qu'Allah Azza wa Jal l'entend, Allah le voit. Et donc, c'est comme un homme un jour qui avait besoin d'un conseil, il s'est rendu chez un imam. Et il lui a dit, c'est dur pour moi de ne pas désobéir au Créateur. C'est dur pour moi d'éviter la al-marsiya, la désobéissance. Mais d'un côté, il dit, il sait qu'Allah Azza wa Jal le voit. Donc c'est dur pour lui. Donc il voulait un rappel de l'imam. Alors l'imam il lui a dit, bah, si tu veux désobéir au Créateur, essaie de trouver un endroit où que celui-ci ne te verra pas. Il ne saura pas. Trouve un endroit, cache-toi. Alors l'homme il lui a dit, mais il n'y a pas d'endroit. Où est-ce que tu veux que je me cache? L'imam lui a dit, bah, s'il n'y a pas d'endroit où te cacher, ne désobéis pas. Si tu trouves un endroit où te cacher, cache-toi, désobéis. Mais si tu ne trouves pas un endroit, et avec Allah, tu ne peux pas trouver un endroit. Où que tu sois, Allah Azza wa Jal le sait. Mais sachez qu'il y a une règle. Celui qui connaît son Créateur, sachez qu'il y a une règle. Celui qui délaisse une chose pour son Créateur, Allah lui donnera en échange meilleur. Allah donne toujours meilleur. Et ça, c'est une règle. Observez le Coran. Regardez, les savants donnent une très belle faïda. Moussa, alayhi salam, le prophète Moussa. À un moment donné, Moussa avait besoin de quelqu'un qui puisse l'aider dans la darwa. Et aussi quelqu'un qui soit éloquent. Donc, à un moment donné, il va demander à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de son frère Haroun une sorte de wazir pour lui. Alors, Moussa, dans le verset, il dit à Allah Azza wa Jal, il implore Allah, fais, donne-moi, octroie-moi un wazir, une sorte de ministre. Haroun Akhi, mon frère Haroun. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a répondu à sa demande? Il l'a exaucé. Mais Allah lui a donné plus. Il a fait de son frère un prophète. Il a mis son frère à ses côtés. Il lui a donné, comme il a demandé, mais il avait demandé qu'il soit wazir, sorte de ministre, qu'il aide. Allah a répondu à exaucé la demande de Moussa, mais il lui a donné plus. Il a fait de son frère Haroun un nabi. Il lui a donné la prophétie à son frère. Et les savants disent que ça, c'est une règle. Lorsqu'on demande une chose à Allah Azza wa Jal, Allah donnera plus. Subhanahu wa ta'ala. Regardez, le prophète Youssouf, alayhi salam, alors qu'il était tenté par cette femme, il a invoqué Allah Azza wa Jal de le préserver de ce péché. Allah Azza wa Jal l'a protégé de ce péché. Ensuite, il a été emprisonné, il a été éprouvé. Ensuite, il a invoqué Allah Azza wa Jal. Il l'a invoqué pour qu'Allah lui facilite l'issue et lui donne l'issue favorable. Allah lui a donné l'issue favorable. Mais en plus de cela, il va lui donner le gouvernat. Il sera gouverneur. Il va lui donner un pouvoir en Égypte. Youssouf n'avait pas demandé le pouvoir. Allah lui a donné, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les savants disent, chaque fois qu'on craint Allah, subhanahu wa ta'ala, regardez l'homme, le père de Abdallah ibn al-Mubarak. Lui, pour Allah Azza wa Jal, il a évité de manger des grenades. À la fin, il se retrouve marié avec une femme pieuse et il va se retrouver comme étant le père de l'un des plus grands imams qui ait jamais connu cette nation, cette communauté. Subhanallah. Tout ça, c'est dû à notre confiance qu'on place en Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc si parfois on délaisse des choses, on délaisse des péchés par crainte de notre créateur, subhanahu wa ta'ala, sachez qu'Allah vous donnera mieux en échange. Et Allah teste ses serviteurs. C'est pour ça qu'Allah teste ses serviteurs. Et toute cette crainte-là, elle, la crainte d'Allah Azza wa Jal, ces adorations-là qui sont du cœur, elles s'intensifient, elles peuvent s'accroître avec la connaissance du Créateur, avec dirasat al-tawhid, avec l'apprentissage de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc pour terminer, c'est pour ça que cette très belle faïda qu'il y a dans le livre de l'unicité, puisqu'on est en train de parler de qu'il faut éviter au maximum, il ne faut pas tomber dans ce péché qui est la mauvaise conjecture et le mauvais soupçon et la mauvaise pensée envers le Créateur, des grands savants comme Ibn Qayyim disent que ceux qui sont à l'abri de cela, c'est ceux qui connaissent Allah et qui étudient ses noms et ses attributs. Eux sont à l'abri des mauvaises pensées au sujet d'Allah Azza wa Jal, parce qu'ils connaissent leur Créateur, subhanahu wa ta'ala. Wa hada min khilal dirasat al-asma wa sifat. Dirasati al-asma wa sifat. Fa alayna jami'an bil-ilm wa bi-taqwa Allah Azza wa Jal. Wa alayna bi-tamassuki bis-sunnah. Fa inna as-sunnah safinatu Nuh alayhi salam. Et c'est pour cela qu'il faut tous ensemble qu'on s'accroche à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala, alayhi wa salam, car c'est, elle est comparée à safinatu nuh, à l'arche de Noé, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruk, wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.